Section 16 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 7e, section 16. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 5. Livingstone mort. Seconde expédition de Stanley, sa caravane, Lugogo et ses Hongos, combat dans l'Itourou, le lac Victoria Nyanza. La réussite de cette expédition allait avoir les plus grandes conséquences. Elle détermina d'abord un courant d'idées très accentué vers les explorations africaines. On mesura mieux l'ignorance extrême où l'on se trouvait à l'égard de ces contrées. On se passionna davantage pour cet inconnu, dont un voile venait d'être brusquement déchiré, et partout l'on vit alors surgir des champions prêts à s'aventurer sur les traces de Stanley. C'est ainsi que d'Angleterre partit l'expédition Cameron avant même que Stanley fût de retour. Cette mission, dont le but était de secourir Livingstone et Stanley, n'eut pas de suite, car on connut le sort des deux voyageurs alors que Cameron n'était qu'à peu de journées de Zanzibar. Celui-ci voulut néanmoins poursuivre sa traversée de l'Afrique. Mais moins heureux que Stanley, il bifurqua vers le sud, ce qui l'empêcha de découvrir le Congo. C'est au cours de ce voyage que Cameron rencontra près de Tabora les serviteurs de Livingstone, ramenant à la côte le corps du grand explorateur, mort sur les rives du lac Bemba, au seuil de la région mystérieuse qu'il voulait explorer. Ses fidèles domestiques nègres, ayant pieusement conservé sa dépouille dans du sel, la rapportèrent à Zanzibar, où elle fut embarquée pour l'Angleterre. Aujourd'hui, le modeste explorateur africain repose à Westminster, dans le tombeau des rois d'Angleterre, et côte à côte avec eux. Stanley n'était pas homme à laisser inachevée l'œuvre dont Livingstone semblait avoir emporté le secret dans la tombe. De ses entretiens avec lui, des explorations qu'ils firent en commun lorsqu'il le retrouva à Ujiji, il avait retiré cette conviction. Le débouché du Tanganyika est encore à trouver. Le périple du lac Victoria reste à compléter. D'où les sources du Nil sont toujours inconnues. C'était plus qu'il n'en fallait pour tenter un homme tel que lui. Aussi, à son retour de la guerre des Ashantis, où il était allé assister à la prise de Kumasi par les Anglais, au moment même où l'Angleterre rendait à Livingstone mort les honneurs suprêmes, Stanley résolut de repartir pour l'Afrique centrale. Pour cela, il fallait des ressources considérables. Il les trouva sur-le-champ. Le même Gordon Bennett du New York Herald et le directeur du Daily Telegraph fournirent en commun les fonds nécessaires pour mettre Stanley à même de compléter les travaux de ses devanciers. Grâce à leur intelligente et généreuse initiative, le monde géographique allait être doté de la plus grande découverte qui ait été faite depuis longtemps, la découverte du Congo. C'est le 21 septembre 1874 que nous retrouvons Stanley à Zanzibar, préparant sa grande expédition à travers le continent mystérieux. Et le 17 novembre, tout étant terminé, il quittait la côte avec trois Européens, les deux frères Pocock et Frédéric Barker, à la tête de 366 porteurs et soldats nègres. Cette imposante caravane se développait sur une ligne de près d'un kilomètre, et les charges des hommes avaient été si bien proportionnées à l'âge, aux forces et au caractère de chacun, que c'était plaisir de voir l'ordre parfait qui régnait dans la marche de la colonne. L'homme vigoureux et bien musclé portait un ballot d'étoffe de 27 kilos, l'homme court et trapu un sac de perles de 22 kilos, le jeune homme de 18 à 20 ans une caisse de 20 kilos renfermant des conserves ou des munitions. Aux hommes graves et réfléchis furent distribués les instruments précieux, les objets fragiles, thermomètre, baromètre, montre, sextant, mercure, boussole, pédomètre, appareil photographique. Au marcheur le plus connu pour la fermeté, la sûreté, la régularité de son pas, était confié le transport de trois chronomètres enveloppés de coton et enfermés dans une caisse ne pesant pas plus de 11 kilos. 12 kirangosi ou guides, parés du manteau écarlate, un signe de leur charge, convoyaient le fil de laiton. Venaient ensuite les hommes chargés du transport du bateau, le Lady Alice, Hercule pour la stature et pour la force. À chacune des six sections, car le bateau était démonté, étaient attachés quatre hommes qui se relayaient deux par deux. Leur solde était plus élevée que celle des chefs eux-mêmes. Ils recevaient double ration et avaient le privilège de pouvoir emmener leurs femmes. Il y avait de la sorte dans la caravane 36 femmes et 6 jeunes garçons qui suivaient leur mère et qui portaient chacun leur petite charge d'ustensiles de ménage. Il naquit même plusieurs bébés noirs au cours du voyage, et déjà il marchait tout seul quand on arriva au port final. La première partie de l'itinéraire fut très dure, bien que l'on eût à parcourir une route généralement suivie par les caravanes. Mais à la saison des pluies, à la Mazika, qui surprit l'expédition au bout d'un mois de marche, vint se joindre la famine qui régnait dans l'Ougogo. Les voyageurs furent souvent réduits à ne pas même trouver du grain dans les villages qu'ils rencontraient. Aussi, dès le 17 janvier, un Européen succombait déjà. Edward Pocock mourut à Chivuyu, dans l'Ougogo, laissant son frère Frank en proie au plus violent désespoir, et Stanley lui-même dans un profond chagrin. L'Ougogo. Il faut avoir tâté de l'Afrique centrale pour bien comprendre ce que ce mot renferme de vexations, de difficultés, de ruineuses dépenses, de dangers et d'ennuis. Je prends la caravane au moment où elle arrive en vue d'un village de ce pays où fleurit le Hongo. La fatigue est générale. On a fourni une longue traite au milieu des poris et des plaines sablonneuses. Les gosiers sont desséchés, les poitrines haletantes. Plus de chants, de babil si cher aux nègres en marche. On n'entend que la respiration sifflante des porteurs, et de temps à autre, une plainte arrachée par la fatigue ou par la soif. N'importe, on avance, on se presse. Le village est en vue, et l'on y trouvera des vivres et du repos. Déception amère! À peine le camp est-il établi qu'arrive une troupe de Vuagogo, armée, qui, de l'ordre du chef, vous invite à transporter vos pénates dans un endroit désigné à cet effet. On a beau protester, rien n'y fait. Il faut obéir. On dirait d'un clan de bohémiens que la police se fait déguerpir et parque dans quelques terrains vagues. Quant à l'Européen, s'il veut s'en tirer avec intelligence et honneur, il imposera silence à sa colère et rongera son frein sans paraître même vexé. Une fois installé, chacun n'a qu'une pensée, c'est d'étancher sa soif. Et l'on court au puits le plus proche, au fond duquel grouille un liquide boueux, résidu des pluies dernières. Mais à ce moment-là, d'autres guerriers accourent, irrités, et s'opposent à ce qu'une seule goutte d'eau soit puisée avant que le sultan du lieu en ait donné l'autorisation et fixé lui-même le prix de cette faveur. C'est l'impôt sur la soif. Il faut retourner au camp, ouvrir des ballots, en extraire des étoffes, les envoyer au chef. Lequel vous les retourne? C'est fatal, jugeant le présent trop mince. On entame alors d'interminables palabres. C'est une procession continue de délégués entre les tentes des Européens et le també du souverain, à qui l'on porte chaque fois de nouvelles offrandes, mais dont les exigences vont sans cesse croissant. On parlemente, on discute, on s'efforce d'être persuasif et gracieux, tandis qu'une soif ardente vous dévore et que la colère vous étouffe. Bref, après des pourparlers sans fin, on tombe d'accord, et la caravane est autorisée à prendre de l'eau, mais à un puits indiqué, et seulement après une certaine heure du jour. Quant au préalable, les troupeaux de l'endroit y auront une fois encore bu tout leur sou. Et ce n'est là que le début des tortures réservées aux voyageurs. Il lui reste à endurer après cela le hongo, cet impôt de passage que perçoivent les chefs les plus minuscules du pays. Car l'Ougogo représente une série de petites chefferies indépendantes les unes des autres, et chacun choisit dans son sein un sultan dont les pouvoirs sont très limités, mais dont l'obligation absolue est d'imposer le plus durement possible les caravanes. Cela a deux buts. D'abord, de procurer aux chefs et aux guerriers un joli revenu. Ensuite, de faire séjourner les voyageurs le plus longtemps possible dans chaque village, afin de leur vendre les produits du pays. En somme, on est retenu plus d'un mois dans cette inhospitalière région, que sans ces entraves, on franchirait aisément en 10 étapes. Quant à la résistance, elle est matériellement impossible. Le Mgogo a même ceci de louable dans le caractère. Seul parmi les peuples africains, que pour ma part j'ai rencontrés, il a très haut placé le sentiment de la solidarité en ce qui touche aux intérêts généraux de son pays. Que si, poussé à bout, le voyageur avait l'audace de résister aux exigences des chefs, et usant de la force parvenait à traverser une ou deux localités sans payer le hongo, bientôt des cris stridents répétés au loin avertiront les peuplades voisines de l'approche d'un danger, et toutes alors, liguées dans un suprême effort, écraseront aisément sous le nombre l'étranger qui les aura bravés. Stanley, qui connaissait ce peuple pour l'avoir visité à son premier voyage, ne s'exposa point à pareille mésaventure. Malgré la colère qui en maintes circonstances gronda en lui, il sut se contenir et traversa l'Ougogo sans tirer un seul coup de fusil. Le premier combat qu'il livra eut lieu dans l'Itourou, vaste contrée située au nord-ouest de l'Ougogo. Depuis son entrée sur ce territoire, Stanley s'était aperçu de la défiance des indigènes à son égard. Tous ses efforts pour nouer avec eux des relations amicales ne triomphèrent pas de leur froideur, et ils en étaient arrivés à ne pas même daigner indiquer le chemin aux voyageurs. Ce jour-là, l'expédition campait à proximité d'un village appelé Vinyata. Stanley, en proie à une profonde tristesse produite par les contrariétés de la route et l'énervement de la fièvre, faisait le relevé des pertes que l'on avait subies depuis le départ de la côte. Plus de 100 hommes manquaient déjà. 20 étaient morts, 87 avaient déserté, et parmi ceux qui restaient, il y en avait beaucoup de malades. Il en était là lorsqu'on accourut lui apprendre que deux de ses porteurs, surpris par les indigènes, venaient d'être lâchement assassinés dans le village de Vinyata. En même temps, il vit s'approcher du camp une centaine d'indigènes armés de lances, d'arcs et de flèches, qui poussaient leurs lugubres cris de guerre, pareils au ululement de la hulotte. Stanley envoya deux askaris s'enquérir du motif de cette démonstration hostile, et apprenant que ces gens avaient dérobé du lait dans le village, voulant éviter toute effusion de sang, il se décida à indemniser les réclamants, bien que ceux-ci se fussent déjà vengés puisqu'ils avaient tué les deux voleurs. Ce désir de paix fut interprété comme un aveu de frayeur ou de faiblesse, car au moment où ils allaient se retirer, les naturels furent rejoints par une seconde troupe de guerriers qui leur reprochèrent amèrement leur retraite et les décidèrent à marcher avec eux à l'assaut du camp de Stanley. Les arcs furent tendus et envoyèrent une grêle de flèches sur les voyageurs. Stanley ordonna une charge qui fit d'abord reculer l'ennemi, puis il déploya ses troupes en tirailleurs, au grand ébahissement des assaillants. Profitant de leur étonnement, l'explorateur fit une nouvelle tentative de paix et essaya de parlementer. « Non, non, vous êtes des femmes et vous avez peur !» répondirent les indigènes en ricanant et en envoyant de nouvelles bordées de flèches. Cette fois, tout ménagement devenait superflu. Stanley fit aussitôt donner tout son monde, un engagement très vif eut lieu, et l'ennemi fut repoussé avec des pertes énormes. Ce qui ne l'empêcha pas, le lendemain, de reparaître à l'assaut du camp avec des troupes beaucoup plus considérables. Il avait appelé les districts du nord et de l'est à prendre part à la lutte. Ce n'était plus une querelle vidée par un combat, c'était une guerre, c'est-à-dire le harcèlement incessant par des forces toujours croissantes, jusqu'au moment où la faim rendrait toute résistance inutile. Alors, ce serait un massacre sans pitié. Stanley essaya d'abord d'organiser son monde en 7 détachements afin de diviser la masse des assaillants. Cela ne réussit point. Dès le début de l'engagement, son premier corps fut détruit tout entier jusqu'au dernier homme, le deuxième et le troisième perdirent la moitié de leur effectif, bref, le désastre s'accentuait inévitable. Alors, avec l'héroïsme du désespoir, Stanley rappela tous ses hommes pour tenter un effort suprême, chacun comprenant, du reste, que cette minute allait décider du salut commun. Se mettant à leur tête, il les enleva dans un mouvement superbe, fit avec eux une trouée au milieu des assaillants qu'il culbuta, brûla plusieurs villages, et le fusil au poing, bataillant sans cesse, faisant tantôt des retours offensifs, tantôt des marches rapides, il parvint enfin, au bout de quelques journées de combat, à sortir de ce fatal pays d'Itourou, non sans perte cruelle. L'expédition y avait laissé 53 hommes. Stanley fit prendre alors une direction sensiblement plus au nord, et le 26 février, tandis que le gros de la colonne gravissait une longue rampe, des acclamations enthousiastes retentirent à l'avant-garde, tandis que Frank Pocock, qui la commandait, agitait son chapeau en criant « Un lac ! Un lac !» En effet, à 3 000 de distance, à quelques 600 pieds de la montagne, s'étendait une vaste plaine liquide que l'éclat du soleil transformait en une nappe d'argent. C'était le lac Victoria Nyanza. L'expédition se cantonna à Kageyi, où elle fut l'objet du plus bienveillant accueil de la part du chef indigène Kaduma. Mais Stanley avait hâte de poursuivre sa tâche. Il voulait faire le périple de ce lac fameux, au sujet duquel les hypothèses les plus dissemblables avaient été formulées. En moins d'une semaine, son bateau, le Lady Alice, renforcé de manière à pouvoir affronter les colères du Victoria, où soufflent d'effroyables tempêtes, fut prêt à partir. Un approvisionnement de farine, de poissons secs, d'étoffes, de verroteries, de menus objets de toute espèce, formait sa cargaison. L'embarcation n'attendait plus que son équipage. « Qui veut m'accompagner ?» demanda Stanley. Silence de mort. « Comment, mes amis, vous qui avez été si courageux jusqu'à présent, qui vous êtes si bien battus, qui m'avez fidèlement suivi, vous hésitez ?» Même silence. « Pas un de vous ne s'offre à venir avec moi, pas même avec une solde double ?» Toujours point de réponse. « Pourtant, voyons, il faut que je parte. Me laisserez-vous aller seul ?»« Non. » « Eh bien, alors, montrez-moi les braves qui se consentent à accompagner leur maître. » Nouveau silence. Alors, interrogés nominativement, les hommes finirent par déclarer qu'ils ne connaissaient rien à la navigation, que le lac était bien autrement périlleux que la mer, et qu'ils avaient tous horriblement peur de l'eau. En ce moment, le chef nègre de la caravane prit la parole. « Maître, dit-il, laissez là ces questions, ordonnez. Vos hommes sont des enfants, et ils ne désobéiront pas. Si vous leur parlez en ami, aucun d'eux n'offrira ses services. Commandez, et ils vous suivront tous. » Ainsi fut fait. Stanley désigna 10 hommes comme matelots, plus un comme timonier, et confia à leur fidélité sa personne et sa fortune. Frank Pocock et Frédéric Barker devaient demeurer à Kagei avec le reste de la caravane jusqu'au retour du Lady Alice. Et le 8 mars 1875, le vaillant explorateur mettait à la voile sur le lac Victoria Nyanza, où il allait se rencontrer avec le grand empereur de l'Ouganda, le puissant Mtesa, une des plus intéressantes figures de monarque africain. Fin de la section 16.